Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Liberté numérique. Société de l'information. Un dimanche sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, c'est Random, la 36e si je ne me trompe pas. Oui, Random 36. Voilà, tout à fait. Et on va mettre un petit peu de musique, c'est ça? Ouais, on va mettre un petit peu de musique parce qu'on a quelques problèmes de réseau dans le studio. Voilà. Et on va remettre un petit peu de musique et on revient tout de suite après. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus, 106,6. Ne bougez pas. Random 36, c'est juste après ça. Schweren Tag hinter mir, ja. Voilà, donc de retour dans le studio de Radio Campus. C'est Random La 36. Et vous venez d'écouter... alors là, juste à l'instant, c'était Look Back par 2NR08TT. Et juste avant, c'était Pocket Master avec Dr. Sleep Good 2. Voilà, voilà. Alors, on est un petit peu embêté pour vous présenter un sommaire. Vu qu'on n'a pas de sommaire, vu qu'on n'a pas accès au réseau, voilà. C'est génial. Enfin, plus exactement, on a un sommaire, mais on n'y a pas accès. Voilà. C'est génial. Bon, on va essayer de faire comme si, vu qu'on a préparé quand même un peu l'émission avant de venir. Au niveau des actualités locales, on va vous parler vite fait de l'apéro bidouille. Qui a eu lieu pour la troisième fois, donc ils organisent ça à l'hybride, rue Gosselet à Lille, très près de l'AMRES, la maison régionale de l'économie et des solidarités, où l'association Ch'tinux, qui anime l'émission L'écho des Gnous, a l'habitude de faire des install parties pour des logiciels libres. Et bien juste à côté de l'AMRES, il y a donc l'hybride qui se nomme dont le slogan est le lieu de réhydratation culturelle. Et ils organisent une fois tous les deux mois, pour la troisième fois, c'était donc l'apéro bidouille. Le concept c'est quoi? C'est que vous pouvez, enfin des gens viennent. Se présente à l'organisation et l'organisation organise tout ça. Et qu'est-ce que c'est l'idée? C'est de présenter des personnes qui ont des projets de bidouille. Alors c'est très orienté artiste, c'est très très orienté artistique, un domaine qu'on connaît pas vraiment de notre côté. C'était assez intéressant de voir ça justement, puisque c'est du hacking, c'est vraiment de la bidouille électronique, aussi bien dans la façon de faire. Dans la façon de voir les choses, de s'approprier la science et la technique, mais c'est mis au service d'une pratique artistique. Tout à fait. D'accord, c'est génial. Je sens que ça va être très bien cette émission. On va faire encore mieux que la dernière fois. Enfin, la dernière fois où on a fait l'émission, puisque on vous doit des excuses, on n'a pas fait l'émission il y a deux semaines. On a de gros problèmes de staff. Ouais, on. On est en réorganisation interne, ouais, c'est et ça. Intérieure. Intérieure, surtout. Brut. Et donc l'apéro bidouille, globalement, là cette fois-ci, il y avait des choses intéressantes du côté de... Bon, il y avait Cable Devices. Même les autres fois, il y avait des choses intéressantes. Ouais, mais j'y étais pas. Ah. C'est pour ça. Non, ouais, des petites choses intéressantes. C'est vraiment un lieu où, en plus de pouvoir discuter, de voir des gens un petit peu qui ont cette passion et ce regard sur la technique, de voir des choses concrètes. C'est vraiment, c'est une expo. On peut voir et discuter avec les gens. On peut boire et discuter avec les gens aussi. Oui, c'est un peu ça le but, ouais. Tout à fait. Et donc voilà, donc en fait là cette fois-ci il y avait donc Cable Devices. Qu'on connaît bien parce que voilà, c'est une boutique en ligne qui vend des Arduino, des TV Bigon, du matériel libre, des Milky Mist, ils vendent des tas de trucs, ils vendent des MakerBot. RepRap, je sais pas s'ils font, mais ils font MakerBot. Bref, ils vendent un certain nombre d'équipements électroniques, de matériel open source, donc de matériel libre. On les connaissait un peu, puisqu'on était allé à Linux Expo avec eux. Ils étaient venus, on est allé les voir quand ils étaient à Linux Expo l'an passé, plutôt. On les avait vus à la braderie. On avait vu Vim qui nous avait impressionné avec son MakerBot, et puis là on a revu un MakerBot. Le truc qui nous a fait rigoler, c'est que c'était il y avait les autocollants du Plastic Hackerspace Festival et du Toulouse Hackerspace Festival de l'an passé. Donc c'est un MakerBot qui voyage, ouais, tout à fait, ouais. Donc il y a eu une démonstration de MakerBot un peu et justement ça a été très intéressant dans le sens où entre les MakerBot, DGSC, le localhost, le MeLab, tout ça a beaucoup parlé de hacking, et donc ça a été une soirée où ça a énormément parlé de hacking face à un public qu'on connaît pas forcément très bien sur l'île, au moins, qui est un public vraiment orienté artiste, et qui est pas forcément du tout un public à vocation technique à la base. ou simplement le côté technique, bidouille, etc. est vraiment mis au service d'une pratique artistique et d'une... Ouais, voilà, c'est vraiment un moyen, c'est pas vraiment la finalité de l'objectif. Et il y avait de joyeux hurluberlus qui étaient de l'Open KGB. Oui. Le KGB. Alors du coup, forcément, j'ai pas l'URL sous les yeux, machin. Voilà. C'est un peu frustrant. Mais donc, c'est les gens qui sont situés rue d'Oisem, à Lille, 8 rue d'Oisem, je crois. Je me souviens plus de l'adresse. Et ils ont un petit local associatif où ils font de la sérigraphie. C'est-à-dire que ils partent du constat qu'en fait tous les gens qui font des tracts, qui font des t-shirts, qui font un peu de la communication, que ce soit de la communication associative ou militante ou tout ça, sont obligés de passer par des services commerciaux payants, pas forcément très éthiques, pour faire imprimer leur t-shirt, pour faire imprimer leur tract, etc. Et eux, ils ont donc décidé de relever ce défi-là et de proposer des ateliers de sérigraphie, c'est-à-dire de faire des affiches soi-même, en reprenant la base de la technique, de l'impression à l'encre, méthode sérigraphie. Donc, ils ont fait une très belle affiche pour l'apéro bidouille. Mmh. Que j'en ai récupéré une et tout, et qu'elle ira au localos dès qu'on aura le local. Et puis, du coup, c'était l'occasion aussi pour ce genre d'événement, pour l'équipe du localos en fait, de se présenter déjà, d'essayer de toucher un public local, puisque on est carrément à Lille et qu'on s'est dit il y a certainement des gens là-bas qui seraient intéressés. Au projet qui pourrait s'impliquer et nous aider. Donc on est allé là-bas, on a exposé un petit peu l'objectif du local host. On s'est présenté grosso modo, et on a demandé aussi si les gens étaient motivés à filer un coup de main, quelles que soient les compétences qu'ils pouvaient avoir, de nous rejoindre, de prendre contact avec nous. Donc, des contacts ont été pris et puis on avance, et puis ça a fourni une très bonne transition avec la partie actualité du milieu hacker. On va faire un petit peu le point de toute l'actualité hacker, et notamment on va commencer par les hackerspace. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le localhost. Pourquoi pas? Donc le localhost, pareil, réorganisation interne, machin, engueulade, truc. Donc on continue. Et on a des locaux en vue, donc si vous avez suivi un petit peu toute l'histoire depuis 3 ans, et notamment depuis 1 an et demi de conférendum, le localhost, au départ on n'avait pas d'équipe, pas de locaux, et pas de projet, et pas d'association, bref on n'avait rien. On a monté les hauts lieux. Les hauts lieux, ça nous a permis d'avoir un lieu où se poser et de pouvoir construire une équipe. À la sortie des hauts lieux, on avait une équipe. Mais on n'avait toujours pas de lieu et on n'avait pas de moyen de financement non plus. Là on avance, on a un lieu, donc on va se concentrer sur des locaux qui se trouvent rue Lamartine, donc qui sont en fait les locaux de la Coroutine, qu'on salue au passage. Et ces locaux, il va falloir les louer parce qu'on n'aura pas d'argent comme ça. On va pas réussir à avoir de subventions publiques comme ça en claquant des doigts. Il faut faire des dossiers, etc. Et ça fait quelques mois que ça traîne. Et on n'a jamais vraiment réussi à les faire. Donc, du coup, on va essayer de trouver d'autres solutions, au moins à court terme, pour pouvoir louer un local. Et donc, on a un budget prévisionnel, machin. On s'est bien fait chier à faire des dossiers. faire cette partie du dossier. Donc, on avance, on a toujours une équipe, on a toujours des gens motivés, on a toujours des tas de projets, on a toujours ça, mais il nous manque encore les financements pour louer un local. Donc, on avance tout petit à petit, mais pas après pas, on avance, et du coup, voilà. Alors du coup, on a repris un rythme de réunion à peu près hebdomadaire. Donc du coup pas cette semaine parce que la Coroutine, je crois que mardi ils sont occupés, ils font un truc sur les méthodes agiles à Coworking Lille, rue de la Piquerie, à Lille. Et vous pouvez avoir toutes les infos sur blog.lacoroutine.org. Je crois qu'il y a un tiret, la-coroutine.org ou lacoroutine.org. De toute façon, si vous tapez blog, lacoroutine, dans un moteur de recherche quelconque... T'as failli le dire. Vous le trouverez. Et en fait, on va se réunir à partir de maintenant, en permanence, de l'association Le Localhost, à peu près tous les mardis, à la coroutine pour des réunions de travail jusqu'à ce qu'on puisse dire que ben voilà on a assez de financement pour payer les locaux et tout ça sachant que ben là globalement il nous faut à peu près 15 000 euros. Ouais, minimum. Pour une année d'activité. Pour une année d'activité. En fait, ça couvrerait tous les frais de signature du contrat, c'est-à-dire caution, c'est-à-dire premier mois de loyer, etc., etc. Et en fait, en comptant large à peu près tous les frais, pour un an, ou en tout cas pour la première année, on aurait besoin de 15 000 euros. Alors ça fait beaucoup comme ça, à entendre. N'empêche que si on arrive à trouver des financements externes en plus des cotisations, on peut arriver à faire un truc vachement bien. Parce que les locaux qu'on souhaite prendre, donc c'est quand même 95 mètres carrés plus un sous-sol. Alors sous-sol, on l'a pas encore exploré, donc on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais personne ne l'a exploré. Personne, c'est le sous-sol de l'horreur. Et donc en fait, on a un lieu possible et tout, pas trop cher, dans un quartier pas trop pourri, mais pas vraiment un quartier qui est apprécié de la mairie de Lille, puisque il se passe pas grand-chose. Construisent à Lille 2, machin, mais côté Moulin Oisem, c'est pas trop ça, on va dire. Et c'est un petit peu un appel à l'aide. Nous, notre idée, ce serait de partir sur des sponsorings privés, donc aller voir des gens, machin, pour leur demander s'ils veulent pas financer une association. Et pour ça, on a besoin de bras, comme d'habitude, pour les dossiers. De tête. On a besoin de tête pour les dossiers. On a besoin de du temps de cerveau disponible. Si vous voulez pas donner votre temps de cerveau à TF1, bah donnez-le au local host. Et oui, j'ai osé. Le local host, rendez-vous tous les mardis à la coroutine. Ça se situe, je crois que c'est 4 rue Lamartine. Je crois que c'est le numéro 4, mais je suis pas sûr. Voilà. Et vous nous trouverez là-bas. Il y a un portail, alors il faut donner un numéro de téléphone, machin. Mais essayez de nous contacter sur la liste de diffusion ou sur IRC avant, histoire qu'on vienne vous ouvrir, parce que sinon... Il y a des gens qui restent bloqués à l'extérieur, des fois. Ça arrive. Sous la pluie. Putain, le seul jour où il a plu, quoi. Le seul jour où il a plu de la semaine dernière. Voilà. Continuons sur les hackerspace. Charleroi. À Charleroi, on salue Sinuso du Wolfplex à Charleroi, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission de radio nous parler un petit peu de comment ça se passe en Gelbic, hein, dans ce beau et grand royaume qui va bientôt, qui espère pouvoir casser le record du Cambodge en tant que pays sans gouvernement fédéral, machin. Encore qu'on ait eu une correction sur les diffusions. Apparemment, c'est pire que ça, ils ont 3 gouvernements en place. Putain. Ils doivent faire face à 3 autorités. Ouais. Et t'imagines que nous, on en a qu'un, il nous fait chier. Ouais, mais il est beau le nôtre. Il est grand le nôtre. Il est beau et grand le nôtre. Pareil, à Charleroi, le projet avait du mal à avancer parce que c'est quand même compliqué d'ouvrir un lieu associatif, machin. Apparemment, il y a une opportunité pour un local. Et ils veulent tester pour savoir si c'est une bonne opportunité ou si c'est une fausse bonne idée. Ouais, voir si les lieux pourraient convenir, faire un test en grandeur nature. Grandeur nature. Donc ils ont nommé ça le stress test. C'est impeccable. C'est impeccable. Donc en fait, a priori, l'idée c'est de réunir un week-end de conférences, etc. De conférences, d'ateliers, de performances artistiques ou autres, je sais pas trop si... Non, je crois pas que j'ai pas vu de... Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est ouvert, hein, pour l'instant, on peut proposer des choses, donc c'est ouvert, la date n'est pas encore définie. Non. Pas officielle. Pas officielle, parce qu'ils savent pas quand les locaux seront disponibles. Voilà. A priori, ce serait un week-end, déjà, premièrement, et ce serait dans pas très longtemps, ce serait peut-être le mois prochain, voire plus tard. Ouais. Donc peut-être au mois de mai, peut-être plus tard. On peut pas trop en dire. En tout cas, voilà, Wolfplex avance. Et on ira peut-être présenter le local host et pourquoi pas d'autres hackerspace français au Royaume de Belgique. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, vous avez envie d'exposer, si vous avez des choses dans les cartons, vous avez envie de sortir, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour à Charleroi pour exposer tout ça. Charleroi, pour les personnes qui sont pas de Lille et qui sont pas spécialement très au courant de la géographie belge, Charleroi est en Wallonie, au sud de la Belgique. Voilà. vous serez prévenu, il faudra faire attention. Oui, non mais voilà, c'est pas côté flamand où on parle pas français, tout ça, c'est côté wallon où on parle français, donc du coup, voilà. Alors les conférences, elles sont prévues a priori en anglais et en français. Voilà, donc c'est ouvert aux deux. Donc du coup, ça veut dire qu'on va devoir faire une conférence en anglais pour présenter le local host ? Non, moi j'ai pas compris ça comme ça, hein. C'est-à-dire que tu peux proposer une conférence en anglais, puisque j'en ai vu une, de j'ai oublié le prénom, enfin bref, sur le site c'est marqué que la conférence est en anglais. Donc c'est wolfplex.be, il me semble, leur site web, wolfplex.be, mais c'est wolfplex, de toute façon il est référencé sur recursivep6.org, et je crois qu'on a même un lien sur le-localhost.org. Pour ce hackerspace. Donc bah voilà, on leur souhaite bon courage parce que bah voilà, nous savons à quel point c'est compliqué de monter un hackerspace et c'est cool, vraiment cool de voir des gens qui avancent et qui font des choses très bien. En parlant de choses, enfin de gens qui font des choses qui avancent et qui font des choses très bien, des nouvelles de Toulouse. Donc la ville du Cassoulet qui organise le THSF 2011. Le THSF 2011, donc l'année dernière, ils avaient fait le Toulouse Hackerspace Festival. Cette année, THSF, ça veut dire Toulouse Hackerspace Factory. Donc c'est organisé au Theta Lab en collaboration avec Mixart Miris. Alors je crois que Mixart Miris, c'est le lieu où est posé le Theta Lab. Si je dis pas de conneries, faudra qu'on me corrige si je dis des conneries. Mais voilà, donc ça sera le dernier week-end du mois de mai, donc de tête 27, 28 et 29 mai, à Toulouse, au Theta Lab, à Mixart Miris. Le programme est divisé en trois parties. Il y a une partie conférence, surtout orientée technique. Il y a une partie workshop, donc atelier, pareil, orientée technique aussi. Et il y a une... Enfin, orientée technique et artistique, je crois qu'ils vont faire un atelier de VJing. Donc vidéo jockey. Et il y a une partie performance artistique, concert et happening. Et je me souviens plus du tout de la programmation artistique, mais de la programmation technique. Ça tournait beaucoup autour de l'électronique, Arduino, système embarqué, Milkimist. Décidément, Milkimist est partout. Sont de Toulouse à Berlin, en passant par Stockholm et Rennes. Donc ben voilà, Milkimist. Et puis je crois qu'il y aura également, j'ai vu un truc sur hacking législatif machin, comment ça marche, les droits de la propriété intellectuelle à l'heure de la société de l'information, un thème qui est assez cher à l'émission Random depuis le départ. Donc voilà, bah voilà, donc à Toulouse, ça bosse aussi très très bien. Et puis bah c'est cool de voir que ça avance, c'est cool de voir que les hackerspace proposent des trucs et le milieu hackerspace propose des trucs voilà intéressants et pertinents et tout et tout. Donc bah voilà, on leur souhaite bonne chance et puis voilà, continuez les gars et les filles, parce qu'il doit pas y avoir des gars à Toulouse. J'imagine. Ah non. J'imagine. Une petite musique ? Oui, une petite musique, histoire que je puisse essayer de trouver ce putain de proxy. Voilà, alors un petit mot là, ça va être un morceau de Tom Oxum. On vous a déjà passé des petites choses de lui. Donc c'est son deuxième album, c'est la 15e production sur Da Earth It Records. Le web label qu'on aime bien et qui fait de la musique en Creative Commons. Voilà, donc c'est un album qui est qualifié un peu plus personnel, un peu plus abouti. Il est orienté, enfin il y a des sons de Game Boy, Commodore 64. Il est fait exactement avec des sons d'Amiga, Commodore 64 et DMG01, qui sont modifiés après par un vocodeur. Voilà, donc là je vous passais le titre Diego, et puis on se retrouve tout de suite après. Thank you. Oups, mille excuses, pour une fois, c'est pas de moi, il y a le... le truc qui a fait un drôle de bruit, là. Random, l'émission aléatoire, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Bon ben voilà, désolé, on a encore merdé, c'est décidément une émission catastrophique. Mais c'est nul, elle est bien cette piste, pourquoi tu... Les machines se rebellent. Et ben, oui voilà, exactement, Rise of the Robots. Putain. Moi je suis déçu là. Et là il faut que je meuble pendant qu'on va essayer de reprendre la prise musicale, attention. Ouais, mais il a fait un bruit bizarre le lecteur. Oh, moi j'ai l'impression que le matériel de Radio Campus est un peu précaire. Non. Non. Putain. Alors. Voilà. Alors attends, parce que là. Bon. Vous vous souvenez à peu près à combien de temps c'est. Absolument pas. Non. Bon, écoutez, je vous remets à 2 minutes. Parce que quand même, il est bien ce morceau-là, donc. Voilà. Allez. On vous reprend. À tout de suite. Tout de suite. J'espère que ça va passer. Hop, hop, hop, hop, hop. Désolé. Non, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, t'es sûr? Ouais. Sinon, on reprend l'antenne, hein. Non, c'est bon, rien. Allez, à tout de suite. C'est à peu près là, je crois. En espérant que ça remerde pas. Hein. Random, l'émission aléatoire. Voilà, donc de retour dans les studios de Radio Campus, c'est Random 36, il est 19h34 et on n'a toujours pas de réseau. Comme ça, c'est cool, c'est génial. Donc là c'était Diego par Tom Waxham. Mais quand même c'est bien. Qu'on vous a mis en deux fois parce qu'il y a eu un couac. Un couac technique. Un couac technique. Mais non, ça n'arrive jamais ça. Mais si. Non. Non, non. Donc il paraît qu'on est bourré et qu'on a des voix graves. Je tiens à dire que quand même, non, c'est pas vrai du tout. Donc il y avait quoi d'autre dans l'actualité, tout ça, les séquences qu'on fait d'habitude, il y a quoi? Parce que je me souviens plus du tout. Alors, moi, il y a une petite news que je me souviens, là, c'est sur l'API de Facebook. Ouais, alors attends, parce que... Ah, c'est une petite news, sans en être. Oh, mais si, c'est une news. Vas-y, Facebook, qu'est-ce qu'ils font? On rigole. Alors voilà, bon bah, Facebook, c'est... je vais rien vous apprendre, c'est des millions, voire plus, de connexions à échelle mondiale, donc c'est beaucoup de serveurs. Beaucoup d'énergie. Donc en fait, ils ont lancé un petit projet open source. Alors j'ai pas réussi à choper la licence exacte, donc je pourrais pas vous en dire plus. C'est dommage. Donc on sait pas trop si c'est open source ou si c'est logiciel. Voilà, donc... Désolé. Donc c'est marqué open source, donc je restitue, mais voilà. Je n'en sais pas plus. Alors le projet, c'est Hip Hop for PHP. Alors qu'est-ce que c'est Hip Hop for PHP ? Hip Hop. Voilà. Ça veut dire Facebook, nique ta mère. Alors en fait c'est une solution qui va prendre du code PHP, donc les mecs font du prototypage, du test, etc. de leur code PHP, et quand au moment de passer en prod, en fait ils passent dans la petite moulette Hip Hop for PHP, et ça leur génère en fait du C++, un code C++ qui sera compilé après avec G++, et ce qui leur permet de gagner 70% de trafic sur le même matos. Ah bah tu m'étonnes. Forcément, ouais. C++ par rapport au PHP, hein. Je rappelle que, bon, vite fait la petite parenthèse au cas où. PHP, donc c'est du script, donc c'est interprété, alors que le PHP c'est du compilé, c'est du binaire, donc forcément le gain en performance est énorme. Ou alors, enfin, c'est PHP, enfin, c'est bon, c'est juste qu'en fait, il y a deux diplodocus, et que PHP est lent, et alors C++ est lent aussi, mais un peu moins. C'est lent aussi, C++, faut pas dire. Ouais, c'est lent comparé à quoi par exemple? Comparé à C. Ouais. Je sais pas, honnêtement, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Bah, c'est chiant à compiler, c'est objet. Ah bah putain, mais justement. Bah quoi, putain, justement. C'est non, ça qui est bon. Non, non, je t'assure que non. Le C++, si. C'est de la merde. Ah. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été choisi, je pense, par Facebook. Parce que précisément, c'est une techno de merde. D'accord, ok. Attends, ils utilisent Fedora? Non. PHP. Je pense pas que t'as assez d'expérience en C++ pour affirmer ça comme ça devant des millions de personnes qui nous écoutent. Bah écoute, je suis pas d'accord. Bah, écoute, hein. Quand même, le C++, c'est de la merde. Non. Si. Je suis pas d'accord. Bah. Bon, bref, on va arrêter là. Donc, voilà, donc une petite moulinette qui permet en fait de faire du prototypage et du test avec en script. Donc, il n'y a pas de temps de compilation. On code, on teste, etc., etc. Et quand on passe en production, eh ben, on le passe dans la moulinette, ça fait du C++ et un gain de performance. Alors, quelques chiffres, ouais, je l'ai dit. 70% de trafic en plus sur le même matos. Ils annoncent aussi, donc ça c'est Facebook qui annonce ces chiffres là. Ils annoncent aussi 50% de réduction de temps de CPU sur le même matos, donc avec le même trafic. Et l'API, elle, donc le projet Hip Hop for PHP, qui annonce pouvoir servir le double de trafic avec une réduction de charge de CPU de 30%. Donc on peut augmenter le double de trafic en baissant la charge CPU. Donc. Un petit truc pas mal quand même. Moi ça m'a intéressé, j'ai trouvé ça pas mal, donc voilà, j'ai voulu faire partager. Ouais, non mais pourquoi pas. Et de toute façon, bon, Facebook ils font un peu pas mal de choses. On commence à voir que Facebook fait des trucs un peu intéressants. Ils ont sorti également, ils font pas que ça, que de l'optimisation sur leur application. Ils font également ils essaient de faire un petit peu de l'optimisation de leurs coûts au niveau serveur et au niveau data center, donc vraiment au niveau infrastructure. Et ils ont sorti en fait, il y a quelqu'un de chez Facebook qui a décidé de s'atteler un petit peu au problème des gros serveurs qui coûtent cher et qui consomment énormément d'électricité, tout ça. Alors c'est pas forcément dans un but écolo, parce que c'est pas, enfin, bon, on se demande toujours si des grosses boîtes comme Facebook sont réellement écolo ou si c'est simplement une question de coût et d'économie de coût et d'échelle. Oui, c'est plus ça. Voilà. Bon, après, pourquoi leur prêter tout le temps des intentions méchantes, machin, mais bon. Facebook, quoi. Ils vendent les données personnelles des gens, alors qu'est-ce qu'ils vont être écolo à côté. Y a-t-il une écologie qui ne soit pas responsable vis-à-vis des êtres humains et de la vie privée des êtres humains? Question à poser au groupe écologique, ça. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui, je pense, leur. C'est-à-dire pour ça, c'est peut-être le fond de leur démarche, d'ailleurs, il me semble. Un peu. Bon, si, quand même. Et bah voilà. Et du coup, ils ont sorti. Enfin, ils ont monté en interne un projet de serveur qui coûterait pas cher et qui aurait pas un grand coût de. Enfin, qui aurait une espèce d'empreinte écologique à peu près propre. Donc, c'est-à-dire un serveur sans plastique, enfin sans trop de plastique, de manière plastique dedans. Parce que ça explose. Sans vis cachée. Et sans. Oh, alors ça. Bon, c'est du Intel dedans et tout. Alors. Et donc voilà, donc en fait, trois axes majeurs là-dessus. Il y a le châssis en fait du serveur, donc le boîtier en métal, en essayant de virer les matières plastiques, en essayant de faire quelque chose de léger et de juste utiliser ce qu'il y a besoin sans sucre ajouté. Et puis il y a du côté de la carte mère, c'est une carte mère basse consommation. Alors il y en a deux types, il y en a une AMD et une Intel, donc voilà. Et puis du côté également pour limiter les problèmes de consommation électrique et d'essayer d'avoir une alimentation électrique stable de manière à ce que les composants électroniques à l'intérieur souffrent pas trop et donc avoir une durée de vie plus longue. Un petit peu le côté obsolescence programmée dont on avait déjà parlé dans Random il y a un mois et demi. Ouais, à peu près. À peu près. Et voilà, donc en fait, moins de. Un serveur à peu près écologique, machin, par Facebook pour Facebook. Et puis il y a également du côté data center, donc là c'est plus que côté électrique, côté mécanique, des baies de serveurs qui soient à peu près écolo et qui soient juste pas des gros trucs énormes avec du plastique et énormément de métal et tout. C'est trop un juste milieu là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont publié les données. Ils ont publié les données sur Internet. Donc elles sont, c'est ce qu'ils ont appelé le projet Open Compute. Donc opencompute.net, je crois. Et voilà, les technologies utilisées par Facebook au niveau serveur sont. Oui, j'ai un peu le hoquet. C'est horrible cette émission. Donc Open Compute, machin, c'est cool. Voilà. Bon, ça n'efface pas le fait que. Oui, non, ouais. Facebook fait un peu n'importe quoi avec la vie privée des gens. Facebook, c'est Facebook, ça, c'est sûr. Faut pas non plus. On va pas dire du bien de Facebook. Ou pas ici, en tout cas. Mais quand même, bon, voilà. Il convient de noter un petit peu des projets intéressants. Surtout que ça va un petit peu dans le sens du Ça va un petit peu dans le sens de ce que dit le mouvement le mouvement open hardware, enfin le mouvement matériel libre, open source hardware, etc. Dont on a un peu parlé dans Random aussi depuis le départ. Donc voilà. J'avais oublié un truc aussi dans l'actualité du milieu hacker. Ah oh, putain, faut que je le dise. On en avait parlé il y a un mois dans la dernière émission de Random. Donc la nuit du hack. Alors, la nuit du hack, ça se passera donc, je crois, au mois de juin ou au mois de mai, je sais plus. C'est juin, je crois. Donc, ils ont publié un appel à contribution, tout ça, sur le mode de l'appel du 18 juin 40. Donc, on rappelle que c'est. Faut se rappeler de la débâcle des forces armées françaises et de l'armistice de juin 40. Et puis, le 18 juin 40, le général Charles de Gaulle, en fuite à Londres, lance un appel à la résistance armée, demande aux gens de le rejoindre à Londres pour organiser la résistance française, ce qui débouchera sur les FFI, les forces françaises de l'intérieur, et les forces françaises libres à Londres. Donc une organisation de résistance militaire à l'envahisseur nazi. Bon, donc c'est bien, ok, la nuit du hack fait de la référence, culturelle et historique, machin, avec un background militant et tout, parce que faut quand même se dire que la résistance française, c'était pas tout à fait les colonies de vacances. C'est des gens qui sont morts, c'est des gens qui ont donné leur vie pour leurs convictions, pour aussi, pourquoi pas, pour leur patrie, mais bon, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, mais voilà, bon, des gens qui ont donné, qui ont payé parfois de leur vie leurs idées politiques et le fait qu'ils voulaient pas abandonner la France à la barbarie nazie. Bon, c'est bien. Donc, Hacker's Voice veut se mettre, enfin Hacker's Voice et la Nuit du Hack veut se mettre un petit peu dans ce mouvement-là. Très bien. Où va se passer la Nuit du Hack ? À Disneyland. À Disneyland Paris, putain. À Disneyland Paris. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était le coup de gueule de la soirée. J'espère que Tic et Tac seront accueillants pour tous les hackers en goguette qui seront à la Nuit du Hack. Mais bon, moi personnellement, j'y serai pas. C'est peut-être un petit clin d'œil aux Américains, un petit remerciement, je sais pas. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça en fait, c'est le remerciement de la Nuit du Hack 2011 pour au coup de main des Américains qui ont viré les nazis de la France. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être ça, ouais. Ouais, faudra leur demander. Enfin voilà, bref, c'était un petit peu le truc voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des trucs à cœur qui se bougent. Enfin bon, là c'est abusé quand même. Là c'est un peu abusé. A voir, pourquoi pas, c'est peut-être un pied de nez. Enfin... Non, j'en doute. Ah oui, j'avais. Ouais, non, mais la Nuit du Hack c'était quand même le truc avec entrée gratuite pour les filles, machin, tu sais, comme dans les boîtes de nuit. Ah oui, ouais. Ils avaient fait ça il y a un ou deux ans, je crois. Il y a deux ans, je crois, et je sais pas s'il l'avait refait l'année dernière. C'était entrée gratuite pour les filles, c'est comme tu vas au tremplin ou. Mais c'est bien. Là, c'est si... entrée gratuite pour les mini, c'est ça ? Ouais, un peu, ouais, voilà. Bon, petite pause musicale. Petite pause musicale, allez. Ouais. Donc Radio Campus 106,6, voilà. C'est Random numéro 36. 666, yo. Sur Saucisse Pois Chiche FM. À tout de suite. J'en ai marre. Mais il y a une mouchette dans le lecteur ou quoi ? Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une seule mouche. Mais attends, putain, puis alors mon wifi qui se déconnecte. Non mais sérieux, c'est quoi cette émission ? On a même plus de fond sonore là. Ouais. Ça fait bizarre. Bon, donc Random 36. On continue avec vraiment... on essaye de faire ce qu'on peut, mais vraiment là... On a un peu du mal. Et ben voilà, donc voilà. Alors je me souviens plus du tout, on avait d'autres trucs à dire. Réfléchis Jean-Pierre. On avait parlé de la CNIL, je crois. Il y avait un truc sur la CNIL. Ah oui, elle donnait des conseils pour comment effacer ses traces sur Internet. Donc toujours cette idée débile de droit à l'oubli. Voilà. Et c'était virer les occurrences Google sur son nom, son nom de famille, etc. Ouais, voilà. Je crois. Donc en gros, c'était donner la procédure aux gens de pouvoir en fait faire retirer des informations personnelles sur des sites Donc il y avait des procédures, expliquer un peu le cadre légal, ce qu'on pouvait faire, ce qui ne l'était pas, etc. Définir un petit peu les choses pour être sûr qu'on parle bien le même langage. Il y avait ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y avait la procédure, une fois que le mal est identifié et confirmé, il y avait les procédures pour pouvoir faire retirer ces informations. Donc contacter les responsables du site en question et en vue de faire retirer en fait ces informations personnelles. Il y avait les courriers, des courriers types en fait, pour aider les gens dans leur démarche. Il y avait tout ça assorti d'un tas de petits conseils. Et voilà. Et ensuite, deuxième étape, il y avait une fois en fait que vous vous rendez compte que voilà, il y a des informations personnelles sur un site, mais en plus ça a été indexé, référencé, et c'est dans tous les moteurs de recherche. Bah, la procédure pour faire pour accélérer en fait la disparition de ces infos, donc la mise à jour entre guillemets des infos qui n'existent plus, donc l'effacement. Et alors moi, il y a un petit truc qui m'a fait un peu tiquer, c'était que pour Google en fait propose une procédure à suivre qui a pas l'air très compliquée pour justement faire retirer toutes ces infos. Mais pour pouvoir engager cette procédure, il faut un compte Google. Alors j'ai trouvé ça un petit peu fort en fait de proposer oui, pas de souci, on va retirer vos infos. Mais pour ça, vous créez un compte et vous aurez accès à notre petite interface qui va le faire. Donc là, je me suis un petit peu dit, tiens, c'est bizarre comme conseil d'aller se créer un compte Google pour faire retirer ses infos chez Google. Bah, même chose que si je te crée un compte Facebook, il faut que tu ailles sur Facebook, il faut que tu t'enlèves sur Facebook pour faire annuler ton compte. Moi, je dis ça comme ça, voilà, c'est un peu des gens qui se foutent de la gueule du monde. Et alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que c'est la CNIL, quoi. On voit bien qu'elle a vraiment rien à foutre. La Hadopi, ça la gêne pas, ou ça la gêne, mais le président de la CNIL vote, parce que c'est un député UMP, donc il vote la CNIL, il vote la loi Hadopi. Pareil pour la censure gouvernementale d'Internet, sous couvert de loi antiterroriste, machin. Ouais, après, il y a quand même des bonnes choses, hein. Ils expliquent bien les choses, comment faire, le contexte, et ils donnent des conseils. Après, je veux dire, c'est plus la procédure Google qui est, ou comme tu disais, Facebook. Ah oui, bah oui, ça et forcément. Et ça, la CNIL, à part t'orienter dessus, mais... Est-ce que ce ne serait pas justement le rôle de la CNIL, en tant que Commission nationale de l'information et des libertés, de l'informatique et des libertés, est-ce que ce ne serait pas un peu son rôle justement d'aller gueuler quand les gens font n'importe quoi, quand les entreprises font n'importe quoi? Je me demande un peu si c'est pas le... Carrément. Ou alors je vis au pays des bisounours, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah bah tiens, en voilà un beau et un gentil. De bisounours ? De bisounours, tout à fait. Donc Gilles, qui va nous faire Choupa Pimento. Tu avais le temps, hein ? On a le temps ? Oh, bah, ouais. Ah non, mais nous, on n'a accès à rien. Donc là, le temps, c'est plus toi qui l'as que nous, hein, je t'assure. Mmh. Pardon. Bah voilà, donc c'est cool, il y avait ça, et puis il y avait peut-être d'autres trucs dont je me souviens absolument pas. Ouais, il y avait un virus qui s'attaque au Livebox. Alors les virus qui s'attaquent au routeur, c'est pas spécialement nouveau, mais celui-là, il s'attaquait au Livebox, et il utilisait en fait les identifiants par défaut pour en fait reprogrammer le DNS, et détourner le DNS en fait. Donc quand vous faisiez des recherches sur Google ou la majorité des moteurs de recherche, c'était principalement ça. En fait, vous alliez pas sur les serveurs de Google, vous alliez sur des serveurs privés, quoi. Enfin, bah ouais, voilà. Donc, on vous servait le contenu qu'on voulait. Voilà, donc ça a touché la Livebox pour l'instant, mais peut-être que les autres sont touchés également et qu'on le sait pas, ou ça va venir. Donc voilà, petite mail, j'ai pas plus de détails en tête. Ouais, parce qu'on fait toute l'émission de tête, hein. Je rappelle que c'est vraiment catastrophique ce qui nous arrive ce soir. Il y a Oracle qui s'est fait piratager sur le site web de MySQL. Et il paraît qu'il y a des données qui se baladent sur Internet, machin. Ah. Ouais, si, j'ai vu ça cette semaine. Ah, puis si, oui, bien sûr, il y a la nouvelle de la semaine. Attends, j'ai complètement oublié. Donc, une petite mamie, en Géorgie, qui est allée, en Géorgie ou en Arménie, qui est allée récupérer du cuivre sur des câbles. parce que bon, voilà, c'est les gens font de l'argent comme ils peuvent, hein, chez la crise, hein, tout ça, le grand capital a décidé que les gens pauvres, ils resteraient pauvres, donc bon ben voilà, alors on essaye d'aller piquer du cuivre pour se faire de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a une petite mamie qui n'y pouvait strictement rien et qui ne pouvait pas du tout savoir que, en coupant à la hache une fibre optique, elle allait déconnecter toute la Géorgie, donc toute la Géorgie et toute une grande partie de la Géorgie et une partie de l'Arménie, donc quasiment deux pays d'un coup de hache. Donc, donc il y a tout l'Occident qui a gueulé parce que voilà, il y a des techniciens qui ont été dépêchés sur place et il y a eu une enquête qui a rapidement. Montré que ben voilà, on a pu retrouver la trace de la dame qui a avoué sans trop de problèmes avoir été responsable de ça. Donc ben voilà, voilà ce qui se passe quand les infrastructures d'internet sont centralisées. C'est ce que disait Benjamin Bayard, hein, quand il parle de la centralisation d'internet et des problématiques que ça pose. Bah, quand on centralise tout en un seul tuyau, et ben quand ce tuyau pète pour une raison X ou Y, hein, ça peut être un tsunami, une centrale nucléaire qui pète ou une mamie qui vient pour essayer de chouraver du cuivre pour se faire un peu d'argent pour avoir de la soupe avec un petit morceau de viande dans sa soupe au lieu d'avoir juste de l'eau et un peu des légumes dedans. Et ben bah voilà, ça coupe internet tout un pays. Et bah, c'est important de bien prendre la mesure un petit peu de tous ces événements là, parce que c'est un fait divers, oui et non. C'est un fait divers si on s'en tient simplement à l'analyse, voilà, bon bah il y a une personne qui a chouré du fil et puis qui a voulu chourer du fil et puis bah, elle a tapé dans, elle a coupé le mauvais câble. Mais non. C'est important parce qu'on se rend compte que on a parlé du kill switch égyptien, on a parlé de l'internet en Tunisie, on a parlé des problématiques de la Hadopi et de la Lopsi en France. On voit en fait que tout ça, ben, c'est quand même important d'avoir un réseau qui soit neutre et décentralisé, qui ne repose pas sur un seul acteur ou une seule entreprise ou un seul État. Une seule institution, mais d'avoir une multiplicité d'acteurs locaux qui font de l'internet et qui permettent à cet outil de communication et de démocratie de pouvoir vivre et de pouvoir servir correctement les intérêts de la démocratie et du peuple. Voilà. C'est pour ça qu'on appelait ça la toile à la base. Oui. Parce que c'était un réseau de nœuds et impossible à détruire, entre guillemets. Il a été pensé comme ça à la base aussi. Pour que ce soit un réseau qu'on puisse pas détruire, parce que il faudrait détruire tellement de chemins que il y en a forcément un qui resterait ouvert et ça suffirait pour. On voit le truc, c'est-à-dire que au départ on a un réseau qui a été conçu pour résister à une attaque nucléaire totale des Russes sur le sol américain, et maintenant une grand-mère qui coupe une fibre optique au fin fond de la Géorgie, ça prive d'internet deux pays complets. Non, faut arrêter de déconner. Ou un gouvernement comme ça qui décide d'appuyer sur un bouton et d'interdire toutes les connexions téléphone mobile et internet comme ça pour interdire à la population de discuter. Non, ça va pas. Et dire ce qui se passe dans le pays. Non, c'est pas. Ou un gouvernement qui décide de couper internet parce que le gamin a téléchargé Taxi 4. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et c'est des enjeux. C'est des enjeux qui sont cruciaux et qui vont continuer à être de plus en plus présents dans nos vies. Alors, autant s'impliquer là-dessus, rester vigilant et vigilante, et puis s'impliquer là-dessus et se tenir informé de ce qui se passe. Voilà, c'est l'un des buts de Random. Et l'émission touche à sa fin. Voilà. Il n'y aura pas vraiment d'agenda parce que j'ai pas la tête à ça. Juste, rendez-vous dans 15 jours où on vous promet on aura un résumé imprimé, on aura des CD gravés, et on vous fera quelque chose de sympa avec un sujet. On va reprendre là vraiment... On se remet au boulot et puis on vous propose un peu de la qualité, on va essayer d'augmenter le niveau parce que on est conscient qu'en ce moment c'est pas terrible, on a une petite faiblesse, on est dans le petit creux de la vague, et voilà. Par contre, dans le haut de la vague, là, il y a Choupa Pimento qui arrive. Attends, Choupa Pimento. L'invité. Il y a plein d'invités. Bah, tu vois pas. Ah ouais. Bonjour monsieur. C'est l'invité ouais. Mystère. C'est stupé flip. Voilà. Salut. Donc, nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est l'écho des gnous, qui eux ont atteint un niveau de qualité exceptionnel dès les premières émissions. Frotte pas aux gnous ou on te cloue comme la grippe. Ah d'accord. Voilà, sinon on est jaloux. Et puis bah voilà, c'est bon. Ouais, bonne soirée à vous. On vous laisse entre les mains expertes de votre émission électro préférée, Chupa Pimento. Ah, ciao.